personaggio spinge a dire. D'ailleurs cette sensation faisait que se répéter. Et ça, depuis des années. Jusqu'à ce que je l'ai rencontré. Ce soir-là, le spleen avait disparu. Mon imagination n'avait jamais conçu une âme aussi originale quand je serais mordu. Ce soir-là était un moment magique. Avec des baisers, des caresses sympathétiques. Comme si c'était la première fois sympathique. Où je me mêlais avec une autre moitié que moi. Cédric. Ce moment est gravé maintenant dans ma vie. L'esprit était bon parti de mon esprit. Dommage que cette jouissance n'est pas reproduite depuis. Pour m'avoir fait comprendre que des âmes seules existaient, je voulais te dire merci. Merci. Merci.